Kakwe adosa yo baka kota. Si ou kabi ekoute ou ka etan. Disti ka la fi ka kwepa. Destine mwen baka ou le baza. Oh no! Iri yo baka e pli woki mwen. Ki sa ka chende mwen. Si tou sa mwen ka kwe pa po a ye. Oh afe se mala. Pardonnez-vous tout le monde, mais c'est qu'à diviser à dans l'esprit, à non. Encore de mal, oh, merci, voilà. Pardonnez-vous tout le monde, mais c'est qu'à diviser à dans l'esprit, à non. Encore de mal, déjà crié, fort pour ma paix, toi. Déjà crié, j'ai pour ma paix, toi. Mais même j'ai sauf qui moune celle qui va. Où j'ai tiré moi dans celle-là. Et même souffrance par moi c'est bénédiction. Ça dit que ma vie est mon corps. Pour le bénir toute action. Ou qu'à pas moi pour agir l'espoir. Et ma vie me serait pas. Où celle qui va. Oh, merci my love. Pardonnez-vous tout mon réponse. C'est qu'à diviser à dans l'esprit à l'homme. Iti api ti ou kale de mwen. Paka pwe a dan. Oh, oh, apre se mwen. Oh, apre se mwen. Oh, apre se mwen. Oh, apre se mwen. Oh, apre se mwen la. Pardonne pou tout mwen mwen mwen se gade. Merci bon Dieu pour toute bénédiction. Même à la souffrance, moi je comprends le message sur les femmes racistes. Merci bon Dieu. Pardonnez-moi pour tout.